Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, une réussite signée Clint Eastwood. Walt Kowalski est un ancien de la guerre de Corée. Un homme inflexible, amer et pétri de préjugés surannés. Après des années de travail à la chaîne, il vit replié sur lui-même, occupant ses journées à bricoler, traînasser et siroter des bières. Son quartier est aujourd'hui peuplé d'immigrants asiatiques qu'il méprise. Walt tue le temps comme il peut en attendant le grand départ. Jusqu'au jour où un ado du quartier tente de lui voler sa précieuse Ford Grand Torino. Allez, amène ton cul. Arrêtez, ne touchez pas. Je peux savoir ce que tu regardes, le débris? Ça vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier? C'est moi. T'as pété un plomb, allez, le vieux, dégage. Qu'est-ce que tous ces shintok viennent foutre dans ce quartier? Tous ces types qui étaient là l'autre soir. Tu m'expliques? C'est rien qu'un gang. T'annonces la couleur. Tu t'en approches plus parce que si je suis obligé de revenir, je te raterai pas. Ça fait quoi de tuer un homme? Évite ce genre de questions. Tao et Sun ne réussiront jamais à vivre en paix tant que ce gang restera là. Que comptez-vous faire, Walt? L'important, c'est que je leur laisserai pas une chance. Grand Torino, un film de et avec Clint Eastwood, un DVD Warner Home Video.